je voulais, je cherchais la toune Les Pauvres de Plume La Traverse un peu, parce que je voulais parler de notre conception un peu de qu'est-ce qu'un pauvre au Québec. Vis-à-vis deux nouvelles, notamment celle du Frappru, qui est un peu partout dans les journaux. On demande 50 000 logements sociaux au Québec. Pour les BS, alors 50 000 logements. Et là, ils sont dans la rue, là. Manifeste, etc. Puis bon, des logements, du logement social, ça en prend, là. Oui. Je pense pas que quelqu'un peut être contre ça. C'est sûr que ça en prend, là. Et ils en veulent 50 000, ça m'apparaît beaucoup, mais bon. Et il y a la caricature de côté, dans Le Soleil, ce matin, où tu vois une mère monoparentale, un petit d'un bras, puis deux autres à côté, qui dit, grosso modo, là, avant, j'étais dans le mal, j'étais malheureuse, je gagnais 10 et 15 $. Là, dans l'autre photo, elle dit, maintenant, je suis heureuse et comblée, je gagne 10 et 35 $. Parce qu'ils ont augmenté le salaire minimum. Alors ça, c'est notre gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement propose aux pauvres? Augmenter le salaire minimum, augmenter le BS, des logements, des HLM pour qu'il y ait des loyers pas chers. Jamais on ne parle de l'autre solution contre la pauvreté. L'enrichissement. Avoir des meilleures entreprises, des meilleurs jobs, des jobs plus payants, favoriser le retour à l'emploi, la diplomation, vous allez dire, ouais, on l'entend un peu, je vous le donne. Mais moins que dans la rue, un gros chèque, un appartement pas cher, un HLM, un chèque, le salaire minimum, augmente-le. Ça, c'est des solutions que j'appelle faciles. C'est des plasters. C'est juste un remède. Ça guérit pas, là. La personne a dit c'est 15 $, le gouvernement, là, Marois, va se péter les bretelles en disant hey, moi pour les pauvres, là, je suis bon, hein? Augmenter ça de 10-15 à 10-35, c'est pas 10-35 $. Les gens, j'espère, qu'ils veulent gagner 15 puis 20 $. Mais pour ça, là, ça prend une job. Une job. C'est pas en créant des apparts de BS qu'on va régler la pauvreté au Québec. C'est en donnant des salaires convenables aux travailleurs pour qu'ils puissent s'acheter une maison ou avoir un loyer abordable ou correct. Mais pas du logement social. Mais c'est ce que je reproche aux organismes surtout. On n'est pas le seul à vouloir combattre la pauvreté comme ça. Mais les grands défenseurs des pauvres au Québec n'ont qu'un seul langage. Donnez-nous l'argent des autres. Parce que c'est essentiellement ça, là. Que ça soit une augmentation du salaire minimum, ça veut dire que ton boss, sans que tu travailles plus ou mieux, ou que l'entreprise ait fait plus d'argent, il t'en donne plus. Donc, il va pas chercher l'argent dans les poches des clients qui payent plus cher parce que le produit est meilleur ou il se vend plus, ou l'employé est plus productif, tu me suis. Très bien. C'est des solutions magiques. Augmenter le salaire minimum. On va créer des logements sociaux. Et tu vas le payer quoi? Ben, avec l'argent des travailleurs, c'est ça. Il y aurait pas moyen que les gens... Qu'il y ait plus de travailleurs? Oui, ouais, exactement. Ça. On va augmenter le chèque de BS. C'est encore prendre du cash dans la poche de ceux qui travaillent puis le donner. C'est une stratégie globale de retour à l'emploi, d'augmentation de la productivité pour que nos entreprises fassent plus d'argent. Puis automatiquement, les salaires vont monter. Pas parce que Marois en a décidé ainsi. Parce que le boss a dit, mes ventes sont meilleures, mes employés sont meilleurs, puis je veux les garder, puis je veux les payer plus. Ça fonctionne demain, mais on l'entend pas souvent. Des fois, je soupçonne que si on s'attaquait vraiment à la pauvreté au Québec, avec ma stratégie d'enrichissement, c'est pas ma stratégie à moi, mais ce que je propose, là, mais je pense sincèrement qu'il y aurait moins de pauvres. Mais pensez-y deux secondes. S'il y avait moins de pauvres, il y aurait peut-être un petit peu moins de subventions pour les organismes qui défendent les pauvres. Tu me suis-tu? Parce qu'il y en a moins. Est-ce que ces gens-là veulent vraiment... Les organismes qui supposément défendent les pauvres au Québec, est-ce qu'ils veulent vraiment que les pauvres travaillent, puis s'enrichissent, et qu'ainsi eux-mêmes perdent peut-être leur job, ou ils veulent garder leur job et voir une augmentation des subventions, donc plus il y a de pauvres, pour eux, plus il y a de clients. Tu me suis-tu? Non, hein? Ça, c'est de la parano, là. C'est sûr que là, je suis dans le champ. C'est de la démagogie. Exact. 6h56. On s'en va à la pause. On n'a pas trouvé notre toune, hein? Mais moi, sais-tu quoi? La meilleure toune sur les pauvres, ça demeure celle de... On devrait faire jouer celle de... Voyons, Décola. Bon Dieu, donne-moi une job? Ouais. Ben oui. Bon Dieu, donne-moi une job. Remarque, c'est pas au bon Dieu qu'il faut le demander, là. C'est d'abord une décision personnelle. 6h56.